Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Bray Retaux. Markem.archive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 1er, immensité des douleurs de la Sainte Vierge. Quand nous réfléchissons aux moyens de décrire, le mieux possible, les douleurs de Marie, nous reconnaissons de plus en plus qu'elles sont en réalité indescriptibles. Nous n'en voyons que l'apparence extérieure, et il n'y a point de signe par lesquels cette apparence même puisse être représentée. Celui qui jette les yeux sur le vaste océan Atlantique voit une immense quantité d'eau qu'entoure de toutes parts un blanc horizon, mais cette vaste étendue d'eau ne dit rien, ni de la vie aux formes variées et nombreuses qu'elle renferme dans son sein, ni des jardins maritimes et enchantés, remplis d'herbes aux vives couleurs, des bois de pourpre, des épais buissons d'un vert doré, des grottes creusées dans de fantastiques rochers et couverts d'arbres jaunes, semblables aux palmiers touffus, que baignent les flots bleus, ni des herbes luisantes, tachetées, que leur grandeur rapproche des arbres, et qui forment des échappées semblables à celles d'un parc, ni des lieux et des lieux de forêt haute introsée où fourmille la vie sous des aspects étranges, magnifiques et jusqu'à présent inimaginables. Ainsi en est-il de l'océan de douleur qui roule sur les profondeurs secrètes du cœur immaculé de la Mère de Dieu. Ce que nous en voyons nous remplit d'étonnement, et cependant il indique à peine ce qui est au-dessous. À quoi donc alors chercherons-nous à comparer ces peines? De saints hommes ont essayé de le faire, et ils l'ont fait en l'appelant la corédentrice du monde. Ils ont dit de ces douleurs qu'elles se sont mêlées avec le précieux sang, et n'ont fait avec lui qu'un seul sacrifice pour les péchés du monde. Il y a une vérité profonde et solide cachée sous ces grandes paroles, et cependant on pourrait les comprendre dans un sens qui leur enlèverait leur caractère de vérité. Elles sont les expressions d'une dévotion excellente, qui s'efforce de donner à la faiblesse de notre intelligence une idée véritable des grandeurs de Marie. Elles sont exactes, elles ne sont point exagérées, et cependant elles demandent d'être énoncées avec circonspection, et ont besoin d'une explication attentive. Nous les examinerons dans le 9e chapitre, et, dans le reste de ce traité, nous nous avancerons vers notre but par une autre route, non seulement parce que nous n'osons nous confier à une pareille manière de procéder, mais encore parce que, autrement, nous agirions contre nos habitudes et nos prédilections, et en matière de dévotion, ce qui ne vient pas naturellement, ne persuade pas. C'est pourquoi, tout en cherchant à nous approcher de la hauteur de notre sujet, nous préférons rester en deçà du but, plutôt que le dépasser, plutôt que de rendre les objets indistincts par une lumière trop forte, et de déplaire par le manque de vérité, comme un peintre inhabile qui force les couleurs d'un soleil couchant. Nous arriverons à la fin au même but, d'une manière non seulement plus conforme à notre faiblesse, mais encore plus propre à gagner la confiance de nos lecteurs. La première chose donc qui nous frappe dans les douleurs de la Sainte Vierge, c'est leur immensité, non dans son sens littéral, mais dans le sens que nous donnons ordinairement à ce mot, en l'appliquant à des choses créées. C'est aux douleurs de Marie que l'Église applique ces paroles de Jérémie. Lamentations 1 et 2. Vous tous qui passez, voyez et considérez s'il est une douleur semblable à ma douleur. Qui comparerai-je avec toi, ô fille de Jérusalem? À qui t'égalerai-je pour te consoler, ô fille de Sion? Car ta douleur est grande comme une mer, qui est-ce qui te guérira? On représente l'amour de Marie comme un feu que des eaux abondantes ne pourraient éteindre, Et c'est de la même manière que les saints et les docteurs de l'Église ont parlé de la grandeur de ses douleurs. Saint Anselme dit, quelle qu'ait été la cruauté exercée sur les corps des martyrs, elle était légère, ou plutôt elle n'était rien, comparée à la cruauté de la Passion de Marie. Saint Bernardin de Sienne dit que la douleur de la Sainte Vierge a été si grande que, si elle était divisée et partagée entre toutes les créatures capables de souffrir, celle-ci périrait à l'instant. Un ange révéla à Sainte Brigide que si notre Seigneur n'avait pas soutenu miraculeusement sa mère, elle n'aurait pu conserver la vie pendant son martyre. Il serait facile de multiplier de semblables passages tirés tant des révélations des saints que des écrits des docteurs de l'Église. Mais ce qui montre surtout l'immensité des douleurs de Marie, c'est qu'elles surpassèrent tous les martyrs. Non seulement il n'y eut jamais aucun martyr, quelque prolongée et compliquée qu'ait été cette torture, qui égala jamais Marie en souffrance, mais les agonies réunies de tous les martyrs, avec leur variété et leur intensité, n'approchèrent pas de l'angoisse de sa passion. Nul homme réfléchi ne parlera jamais légèrement du mystère de la peine corporelle. Peut-être à cet égard, sa propre expérience le ferait rougir et le rendrait sage. C'est en grande partie par la souffrance corporelle que le monde a été racheté, et n'est-ce pas principalement par le même moyen que nous sommes nous-mêmes maintenant sanctifiés? C'est la justice infaillible de Dieu qui place sur la tête des martyrs cette couronne particulière, et cette couronne appartient à ceux qui, dans l'héroïsme de leur patience à souffrir les tourments physiques, ont sacrifié leur vie pour Jésus-Christ. Mais à l'égard même de l'angoisse corporelle, Marie a surpassé les martyrs. Son être tout entier a été abreuvé d'amertume. Les glaives qui percèrent son âme ont atteint tous les nerfs et toutes les fibres de son corps, et nous pouvons à peine douter que ce corps, exempt de péché, avec ses perfections exquises, n'ait été délicatement formé pour souffrir plus que tous les autres, excepté celui de son Fils. En outre, pour ce qui concerne les martyrs, il y avait longtemps qu'ils regardaient leur chair comme leur ennemi et un obstacle placé sur leur route vers le ciel, ils l'avaient puni, mortifié, subjugué jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à la regarder avec une sorte de pieuse haine. Le corps de Marie était sans péché, c'était une mine merveilleuse, la substance la plus pure, la plus sublime que le monde connut, d'où était sortie la chair sacrée et le précieux sang de notre Seigneur, et elle ne pouvait rien connaître de cette vengeance pleine de délices avec laquelle la sainteté héroïque triomphe dans les souffrances de la chair. Mais quel est le grand soutien des martyrs dans leur torture? C'est que leurs esprits sont remplis de lumière et d'éclat. C'est que leurs regards intérieurs sont fixés sur Jésus, dont la beauté et la gloire les fortifient. C'est là ce qui éteint les feux ou les rend aussi agréables que le souffle tiède des vents du printemps. C'est là ce qui fait que les verges paraissent si molles et si douces, et que les coups de fouet réjouissent le cœur comme le vin. C'est là ce qui émousse le tranchant de l'acier sur les chairs séparées et les fibres ensanglantées. Ce que les martyrs ont en eux est plus fort que ce qui est au dehors. Ce n'est pas que leur agonie ne soit réelle, mais c'est qu'elle est tempérée, contrebalancée, presque métamorphosée par le secours qu'ils tirent de leurs âmes, au moyen de l'infusion de grâce et d'amour dont leur généreux maître les inonde en ce moment. Mais où l'œil intérieur de Marie cherchera-t-il une consolation? Il faut que son œil spirituel jette ses regards là où son œil corporel est déjà fixé. Il est dirigé sur Jésus et c'est cette vue même qui fait sa torture. Elle voit sa nature humaine, et elle est la mère, La mer au-dessus de toutes les autres mers, aimant comme jamais mère n'aima, comme toutes les mères ensemble ne pourraient aimer si elles pouvaient unir leur myriade d'amour dans le plus énergique et le plus indicible des actes. Il est son fils, et quel fils, et de quelle merveilleuse manière il est son trésor et son tout. Quelle source de misères aiguës, vives, mortelles, incomparables il y avait dans cette contemplation. Et cependant il y avait encore bien plus que cela. Il y avait la nature divine du Sauveur. Nous parlons des mères qui font de leurs fils des idoles, c'est-à-dire qui les adorent en mettant la créature à la place du Créateur, en les regardant comme leur fin dernière et leur vraie béatitude, en leur donnant ainsi leur cœur, qu'elles n'ont droit de donner qu'à Dieu. C'est là ce que Marie ne pouvait faire, quoiqu'elle le pût, dans un autre sens. Car Jésus ne pouvait être une idole, et cependant il devait être adoré comme le Dieu éternel. Personne ne vit cela comme Marie. Nul ange ne rendit à Jésus un culte aussi sublimement humble qu'elle le fit. Nul saint, pas même la tendre Madeleine, ne se prosterna jamais aux pieds de Jésus avec une si mortelle angoisse, avec un amour si compatissant. Oui, il est Dieu, et Marie l'a vu à travers l'obscurité de l'éclipse. Mais alors le sang, les crachats, les taches de boue, les plaies repoussantes, les meurtrissures livides et tachetées, que signifiait tout cela sur une personne réellement et éternellement divine? Il est inutile de songer à donner un nom à une misère telle que celle qui submergeait l'âme de Marie. Jésus, la joie des martyrs, est comme le bourreau de sa mère. Deux fois au moins, pour ne pas dire trois, il l'a crucifié. Une fois par sa nature humaine, une autre fois par sa nature divine, si en réalité le corps et l'âme ne firent pas de crucifiement de la seule nature humaine. Nul martyr ne fut jamais égal à celui-là, et l'on ne saurait lui comparer aucun nombre donné de martyrs. C'est une somme de douleurs, que des unités matérielles, indéfiniment ajoutées ensemble et multipliées les unes par les autres, ne pourraient jamais former. C'est une question de genre aussi bien que de degré, et les douleurs de Marie étaient d'un genre qui a seulement certaines affinités avec d'autres genres de douleurs, mais qui a simplement son nom, si ce n'est celui que lui donnent les fidèles enfants de l'Église, les douleurs de Marie. Les souffrances de la Sainte Vierge peuvent être aussi appelées immenses à cause des proportions qu'elles ont avec ses autres qualités. Car l'immensité même doit, à sa manière, avoir des proportions. Si Marie devait ressentir la douleur dans sa perfection, si, après Jésus et à cause de Jésus, elle devait avoir la prééminence de la douleur, alors ses souffrances doivent avoir été proportionnées à sa grandeur. Mais elle était la mère de Dieu. Qui comprendra l'élévation de cette grandeur? Saint Thomas a essayé de le faire, et il a dit que la toute-puissance même n'aurait pu imaginer une grandeur plus élevée. Cette toute-puissance a fait le plus possible, quoiqu'elle n'ait pas de limite, quand elle imagina et établit la dignité de la divine maternité. Que sommes-nous, comparés à un saint, ou un saint comparé à l'ange le plus élevé, ou le plus élevé des anges à Marie? Peut-être sommes-nous plus près, et il y a lieu de supposer que nous sommes beaucoup plus près de Michel ou de Raphaël que ces anges ne le sont de Marie. Cependant, il est difficile, même pour une âme forte, de concevoir combien nous sommes loin de ces redoutables intelligences, de ces saintetés incompréhensibles pour nous. Une douleur proportionnée à nos forces, à nos grâces et même mesurée avec indulgence, peut être quelque chose de si terrible, que nous éprouvons le vertige en pensant à ce que Dieu pourrait demander de nous. Que peuvent donc souffrir sans périr ces esprits qui ont quitté le monde d'une manière coupable, et qui sont tombés avant le temps, alors qu'ils n'avaient point en eux les racines de l'éternité. Maintenant, dans leur demeure, séjour du désespoir, ils ont à souffrir, mais non au-delà de leur force. Et qui peut penser à leur souffrance sans abriter ses pensées en Dieu, dans la crainte de quelque malheur inconnu? Cependant, l'âme de Marie était aussi immortelle, aussi indestructible que ses esprits et beaucoup plus forte. Et son corps fut soutenu miraculeusement par cette même toute-puissance qui confère une résurrection impérissable. Ce fut peut-être même ce sacrement auguste, non consommé en elle et qui est en nous tous la semence d'une résurrection glorieuse, dont le miracle la conserva debout et vivante au pied de la croix ensanglantée. Quelle a donc dû être la douleur proportionnée à la grandeur de Marie, à la grandeur de la Mère de Dieu, à sa force immense et à son effrayante capacité pour la souffrance? Si nous nous arrêtons pour réfléchir, nous verrons combien nos pensées sont impuissantes ici. Mais il fallait que les souffrances de la Sainte Vierge fussent aussi proportionnées à sa sainteté. Les épreuves des saints ont toujours été analogues à leurs mérites, qu'elles égalaient en degré, et auxquels elles se liaient d'une façon particulière. Si les douleurs de Marie ont été l'œuvre de Dieu et ont agi pour lui, si elles ont été méritoires et ont ressemblé de près à celles de notre Seigneur, si les douleurs de la mère ont été jointes à celles du Fils d'une manière inséparable, quoique subordonnée, si elles ont été remplies d'actions surnaturelles et ont multiplié les grâces de Marie, elles devaient être alors conformes à l'excellence de son âme et proportionnées à sa sainteté. Mais ce calcul des mérites de Marie est depuis longtemps une question insoluble, non qu'une ombre de doute s'y glisse, mais le manque de chiffres pour l'écrire, de facteurs pour faire ces gigantesques multiplications, est un obstacle insurmontable. La sainteté de la Mère de Dieu n'était pas absolument illimitée, et c'est la moindre chose qu'on puisse dire à ce sujet. Si donc nous jetons à la hâte un coup d'œil sur le nombre de ces grâces, sur leur espèce et leur degré, si, commençant à l'Immaculée Conception nous faisons, pour ainsi dire, un calcul jusqu'à l'incarnation nous servant des signes des anges, parce que ceux des hommes nous manquent depuis longtemps, et si nous réfléchissons à la manière dont nos signes tombent dans l'infini, ou à peu de choses près, au moment de l'incarnation. Si nous contemplons avec stupeur et confusion l'indéfinissable grâce qui, durant 33 ans fut semée d'une foule de mystères infinis, nous pourrons nous former une idée, non du total de sa sainteté, prête à supporter une somme proportionnée de douleur au pied de la croix, mais de l'impossibilité de concevoir clairement une telle sainteté. De sorte que nous nous éloignons avec l'impression la plus accablante. Mais c'est une impression comme surnaturelle, semblable à une croyance, à la vue de l'énorme fardeau de souffrance qu'exigeait une telle sainteté, afin d'en atteindre le niveau, afin de la féconder, de la mûrir et de la compléter, de la couronner et de la croître par une autre infinité. Nous ne pouvons douter que les douleurs de Marie n'aient été proportionnées à ses lumières. La connaissance aiguise toujours la douleur, la sensibilité en augmente la violence. La plupart du temps, lorsque nous souffrons, nous connaissons à peine la moitié de notre malheur actuel, parce que nous en comprenons à peine plus de la moitié. Et, en général, nous n'avons pas non plus la pleine possession de nous-mêmes. Une partie de notre être demeure comme privée de sentiments sous le coup qui nous atteint, et toute cette partie de notre âme est en nous un refuge pour la sensibilité et l'état de veille de l'autre partie. Un enfant pleure à la mort de sa mère, mais hélas, Que de temps il faut pour enseigner à l'enfant et même à l'homme ce que signifie la perte d'une mère. Or, l'être tout entier de la Sainte Vierge était rempli de lumière, non seulement une raison et une intelligence de la dernière perfection éclairaient toutes ses facultés, dont l'exercice démontrait l'excellence, mais sa vie intérieure se passait au sein d'une atmosphère surnaturelle d'air et de lumière. Dans ses douleurs, cette lumière devint pour elle une torture. Nous avons le droit de supposer que personne, excepté notre Sauveur lui-même, ne comprit jamais parfaitement la passion ni ne put en embrasser toutes les horreurs dans tout ce qu'elles ont de hideux et de terrible. L'intelligence qu'en eut Marie est la seule qui approcha de celle de son Fils, par une conséquence naturelle de cet excès de lumière céleste qui brillait constamment sur son âme exempte de péché. Nous n'avons que des idées étroites sur la lumière que Dieu peut répandre dans les vastes intelligences des anges, nous comprenons encore moins tout ce qu'il en peut verser dans l'âme si grande et si pure de sa Sainte Mère. De là viennent les difficultés singulières que nous trouvons dans la théologie de la vision béatifique. Ce que la cécité pour les aveugles et la surdité pour les sourds, l'ignorance l'est pour nous. Nous n'en pouvons comprendre l'opposé. Nous cherchons à deviner et nous nous formons les images les plus fausses. Nous marchons à travers les ténèbres, et la lueur du crépuscule est tout ce que notre faible vue puisse supporter. La lumière nous est pénible, nous embarrasse, trouble nos pensées et nous fait courir au hasard. Chez les saints eux-mêmes, une lumière trop soudaine a le même effet que sur nous. Elle les aveugle en partie jusqu'à ce qu'ils aient appris à supporter les opérations pénétrantes et extatiques de la grâce. Ceci nous rappelle ce qu'un pieux écrivain, probablement par suite d'une révélation, a dit de notre Seigneur. Le soir, après avoir été frappé violemment par la main d'un soldat armé d'un gantelet, ses yeux étaient si affaiblis qu'ils ne pouvaient supporter la lumière, à tel point que la clarté du soleil lui causait les plus vives souffrances, et qu'il marchait à travers les rues d'opprobre en opprobre, de violence en violence, comme un homme ébloui et qui ne peut voir son chemin qu'imparfaitement. L'ignorance est tellement notre atmosphère naturelle, qu'il n'y a rien de plus difficile à concevoir pour nous qu'un excès de lumière spirituelle et que les splendeurs de l'intelligence. Ainsi donc, ici encore, l'étendue des douleurs de la Sainte Vierge nous échappe, parce que nous n'avons pas le moyen de mesurer l'étendue des lumières surnaturelles auxquelles elles étaient proportionnées et avec lesquelles elles s'accroissaient peut-être simultanément. La multitude des douleurs de Marie est également impossible à mesurer. Chaque regard de Jésus enfonçait plus profondément les glaives dans l'âme de sa mère. Chaque son de sa voix aimée, en l'élevant bien haut sur les ailes de l'amour maternel, était en même temps rempli d'une amertume qui pénétrait Marie aussi profondément et aussi douloureusement qu'était grande la joie qu'il apportait. Chaque action de Jésus causait à Marie une multitude de peines dans lesquelles le passé et l'avenir se mêlaient en une prévision unique et terrible toujours présente à son âme. Chaque acte surnaturel qui se produisait dans son cœur, et de tels actes s'y produisaient sans cesse, était une nouvelle douleur. En effet, soit qu'elle apprit quelque chose de nouveau sur Jésus, soit qu'elle répondit à quelque nouveau témoignage de l'amour de son Fils, ou qu'un nouvel amour s'éleva en elle, que son union avec Jésus devint plus étroite, son esprit s'illumina, qu'elle ressentit un ravissement dans ses affections, ou enfin que sa piété acquit une nouvelle ardeur, dans toutes ses opérations, plus notre Sauveur lui devenait cher et précieux. Plus elle se sentait le cœur déchiré par les douleurs inexprimables de la cruelle et ignominieuse passion. Sa vie avait été pleine de grands événements qui se succédaient avec rapidité, Alors aussi la multitude de ses douleurs augmentait à chaque instant, simplement par la vie de la grâce qui animait son cœur. Ses peines s'accumulaient comme des flots de peuple qui, dans une grande cité, vont grossissant la foule de tous côtés et la poussent çà et là. Elles étaient indépendantes des événements extérieurs, dont l'enchaînement dans le temps et l'espace retient dans certaines limites la douloureuse plénitude de la vie humaine. On pourrait les comparer à une création perpétuelle. Elles se créaient elles-mêmes, mais elles ne se créaient pas de rien. Elles tiraient leur origine de l'imminente sainteté de Marie, et plus encore, de l'infinie beauté de son Fils. S'il est au-delà de notre pouvoir de compter les afflictions de la Sainte Vierge, quelle a dû en être la violence, quand elles se concentrèrent comme un poids sur un point unique de ses affections et se répandirent à chaque moment de tous côtés sur son âme, avec une étonnante diversité de souffrances, que nous pouvons nous imaginer aisément. Nous n'avons pas besoin de craindre pour elle. Celle qui était aussi calme que si elle n'eût pas été une créature au moment de l'incarnation ne peut perdre la paix pour aucune autre cause, mais combien cette peine n'a-t-elle pas dû être amère? Il y a encore un autre vrai sens dans lequel les douleurs de Marie furent immenses, c'est qu'elles étaient au-delà de ce que la force humaine peut endurer. Elles dépassèrent la mesure de la force naturelle de la vie. C'est l'opinion unanime des pieux auteurs qui ont écrit sur la Sainte Vierge, opinion appuyée sur les révélations des saints eux-mêmes, que c'est par un miracle que Marie conserva la vie sous la pression de ses intolérables souffrances. En cela comme dans tant d'autres choses, elle participa au don de notre Seigneur durant sa passion. Or, cela est vrai de la Sainte Vierge, non seulement durant les horreurs du calvaire, mais pendant tout le cours de sa vie. La prévision qu'elle eut de ses douleurs, du moins depuis le moment de la prophétie de Saint Siméon, fut si vive et si réelle, que sans un secours particulier de la toute-puissance de Dieu, son âme eût été séparée de son corps. Elle n'aurait pu vivre sous une ombre si intense. Elle n'aurait pu respirer dans des ténèbres si épaisses. Elle aurait été suffoquée dans les eaux profondes où son âme était continuellement plongée. Il était impossible que la raison d'une si parfaite créature fût troublée, il ne se pouvait pas que la paix fût jamais chassée d'un cœur si étroitement uni avec Dieu. Mais sa belle vie aurait pu être et aurait été certainement éteinte par l'excès de la douleur si Dieu n'eût opéré un miracle perpétuel pour la conserver, de même que pendant toute sa vie elle fut sur le point de mourir par excès d'amour, et, qu'en effet, elle mourut d'amour lorsqu'arriva le moment fixé par son Fils, et qu'il retira d'elle le secours extraordinaire qui l'empêchait de mourir. Quelle a donc dû être cette douleur qui réclamait un miracle constant pour empêcher le corps de se séparer de l'âme, de cette âme sans péché, où le remords ne pouvait entrer, où le doute ne vint jamais troubler le jugement, si ce n'est pendant les 3 jours de l'absence de Jésus, de cette âme où régnait une paix continuelle au milieu de la tranquillité et de la subordination de toutes les passions? Sous le rapport de leur réalité, les douleurs de la Sainte Vierge dépassèrent la mesure de la plupart des réalités humaines, tant de la raison que du sentiment. Dans nos douleurs, il y a ordinairement beaucoup d'exagération. L'imagination les double presque toujours. Si nos souffrances viennent d'autrui, nous les attribuons à une malveillance qui n'a jamais existé. Nous imaginons des motifs qui ne sont jamais entrés dans l'esprit de ceux auxquels nous les supposons. Nous jetons, sans raison, une lumière vive et inégale sur de petits incidents qui sont probablement tout à fait étrangers au mal que nous souffrons. Ou bien, si nous éprouvons quelques dommages, nous nous en représentons les conséquences bien au-delà de la simple vérité, nous leur donnons des proportions qui sont, aux inconvénients réels de ces pertes, ce qu'un enfant qui porte une lanterne est à l'ombre énorme qu'il projette, sans s'en douter, sur le mur opposé. La faiblesse et l'activité combinée de notre imagination enveloppent notre douleur dans un nuage d'erreurs. Et ce nuage est encore grossi par un sot entêtement qui nous porte à rejeter les consolations, à refuser de prêter l'oreille à la raison, à nous laisser aller à une indolence et à un abattement coupable, et à interrompre le cours ordinaire de nos occupations et de nos devoirs. Dans cet entêtement et dans cette faiblesse, nous trouvons une sorte de plaisir, qui nous aide grandement à supporter nos maux. Mais, dans les souffrances de la Sainte Vierge, tout était entièrement vrai. Ces douleurs s'élevèrent dans des régions si hautes, que nous ne pouvons nous en former que les plus vagues idées. Elles pénétrèrent jusque dans ces profonds abîmes de l'âme que nous ne pouvons explorer, parce qu'ils ne s'en trouvent pas de semblables en nous-mêmes. Elles étaient accrues par la perfection inappréciable de la nature de Marie, par sa grâce surabondante, par la beauté parfaite et surtout par la divinité de Jésus. Chacune de ces causes, qui accroît les douleurs de Marie, leur donne une telle grandeur, que notre vue limitée ne peut plus les embrasser. Mais, pour Marie, qui possédait le recueillement, le calme le plus parfait, chacune de ses souffrances était complètement réelle, parfaitement comprise dans tous ses effets, héroïquement acceptée avec l'entière intelligence, soit de leur actualité, soit de leur étendue. Sa nature physique, exempte des ravages de la maladie et de la désorganisation qui suit le péché, était remplie de la plus énergique vitalité, elle se distinguait par les plus délicates susceptibilités, par la plus tendre et la plus vive sensibilité, elle était douée enfin de la capacité la plus exquise et la plus étonnante pour souffrir. Aussi n'y avait-il rien en elle, soit dans sa raison, soit dans ses sentiments, qui pût amortir un seul des coups qu'elle recevait. L'habitude ne rendait pas ses douleurs plus supportables, elles n'en étaient pas moins distinctes pour être continuelles. Aucune d'elles n'était locale, elles se faisaient sentir par tout son être, elles étaient douées, pour ainsi dire, d'une circulation rapide et d'une acuité brûlante dont l'angoisse pénétrante atteignait à la fois toutes les parties de son corps et de son âme, sans affecter d'une manière particulière, même pour un instant, telle ou telle faculté. Au milieu de la quiétude ineffable qui lui était propre, ses douleurs ne lui accordaient aucune trêve, elles ne la quittaient jamais, ne s'endormaient jamais, ne lui donnaient jamais de relâche. Nuit et jour leur rugissement se faisait entendre autour des murailles de la cité de son âme. Nuit et jour leurs traits enflammés tombaient comme la pluie sur cette chasse sacrée. Nulle douleur dont la cruauté lui fût épargnée, ou dont l'amertume lui resta inconnue. Elle en connaissait parfaitement la valeur, et n'éprouva jamais aucune de ces surprises qui, parfois, nous jettent inopinément, et sans que nous nous en rendions bien compte, au milieu des plus grandes épreuves. Il n'y avait pas de succession dans les douleurs de Marie, parce qu'elles étaient toutes fixées en elle, comme les flèches de Saint-Sébastien, et que leurs pointes empoisonnées s'envenimaient toutes à la fois. Cette réalité des douleurs de Marie est effrayante. C'est l'un de leurs caractères que nous ne devons pas oublier lorsque nous cesserons d'en parler, autrement nous ne comprendrions que très imparfaitement ce qui doit suivre. Assurément c'est là une réalité immense, et telle qu'on en saurait trouver hors de Jésus et de Marie, c'est une autre participation aux abîmes de la passion. Mais ces douleurs de Marie ont eu quelque part dans la rédemption du monde, et par là elles ont encore un caractère d'immensité qui leur est propre. Toutefois, C'est là un sujet que nous examinerons plus tard d'une manière étendue. Il nous suffira maintenant de dire que, par suite des desseins de Dieu, Marie fut associée à la Passion, afin que ses douleurs s'ajoutassent aux souffrances de notre Seigneur. Il en fut ainsi, non sans motif, mais, comme cela arrive dans toutes les choses divines, dans un dessein réel et mystérieux. Ajoutons à cela que, comme la Mère et le Fils ne peuvent en aucune façon être séparés durant les 33 années de la vie du Sauveur, bien moins encore peuvent-ils l'être sur le calvaire où Dieu les a réunis d'une manière si frappante et si inattendue. Nous n'avons pas besoin de parler de la beauté vraiment artistique et idéale des douleurs de Marie. C'est là le caractère essentiel de toutes les œuvres divines. La compassion forme une partie de la grande épopée de la création. Le caractère pathétique et les tristesses de cette compassion ne doivent pas être séparés des terreurs sublimes et sacrées de la Passion du Verbe incarné. Mais ce n'est pas une poésie touchante que nous voulons rechercher ici, c'est plutôt une piété simple et un accroissement direct d'amour pour Marie, et de dévotion pour son Fils. Si nous désirions devoir prononcer une sentence de bannissement pour tout ce qui n'est que sentiment ou sensibilité dans la religion, ce serait assurément en ce qui concerne la Sainte Vierge Marie. Marie est une grande réalité de Dieu, et le sentiment tend à nous dérober la réalité des choses, parce qu'il change la substance en imagination, la solidité en élégance, et qu'il part si bien l'extérieur, que nous venons à douter s'il existe réellement un intérieur. L'excellente beauté du martyr de Marie peut donc se présenter à nous, nous transporter dans les airs, nous arracher de douces larmes et calmer l'agitation de nos cœurs, mais, dans le but de chercher de pareils effets, ne sortons pas de la route ou de doctrine et de dévotion que nous nous sommes tracés. Cependant, si les choses artistiques peuvent en quelque façon augmenter l'amour pur que nous avons pour Dieu, qu'elles soient les bienvenues.